Yuma, chapitre 5. À partir de ce jour-là, Yuma devint l'objet d'une sorte de culte à anse marine. Il n'y a pas de qualité que le nègre admire autant que le courage physique. L'atelier entier témoigna à son égard d'un intérêt presque fétichiste. L'héroïsme de la jeune fille fit taire toutes les mesquines antipathies que ses manières citadines et sa réserve naturelle avaient éveillées. Les petites jalousies des domestiques de la maison, qui se croyaient supplantés par une étrangère dans la demeure de leur maître, s'évanouirent pour toujours. Ils ne cherchaient plus qu'à obtenir ses bonnes grâces et à gagner son sourire. La plantation entière se déclara fière d'elle et vanta sa prouesse aux esclaves des propriétés voisines. Les manœuvres la saluaient quand elle passait, comme si elle était une maîtresse, et les improvisateurs de chants de Kalinda célébraient ses louanges dans leur belay. Le surintendant lui-même, monsieur de Comizel, bien qu'il fût un fervent défenseur de la discipline, ne s'adressait plus à elle en l'appelant « ma fille, ma fille », mais « mamselle Yuma ». Mais Yuma était surtout sensible aux attentions de Gabriel. Gabriel semblait avoir pris un goût soudain pour elle. Il était l'homme le plus occupé de la propriété, pourtant il trouvait le temps de lui témoigner son amitié par de petites gentillesses et des marques de courtoisie dont on n'eût guère cru capable une aussi rude nature. Il inventait des prétextes pour la retrouver pendant le repas de midi et aussi le soir, avant ou après sa tournée nocturne, pour s'assurer si toutes les règles de bon ordre et de propreté avaient été observées dans toutes les cases, si les vêtements étaient lessivés et les ordures enlevées. Ces visites étaient forcément brèves, elles étaient aussi étrangement silencieuses. Il parlait rarement, sauf lorsqu'on lui posait une question directe, ou lorsque Mayotte le taquinait et le forçait à la prendre sur ses genoux et à répondre à son babillage. Plus souvent, il s'asseyait simplement sur la véranda, près de la chaise à bascule de Yuma, et l'écoutait bavarder avec l'enfant ou raconter des histoires. Il tournait rarement son visage vers elle et paraissait attentif seulement à la vie bruyante des cases. Cependant, à chacune de ses visites, il apportait quelques petits présents pour l'enfant, sachant qu'elle le partagerait avec sa dame. C'était ou des fruits cueillis dans son propre jardin, un bouquet de figues, qui sont de toutes petites bananes de dessert, à peine longues de 2 pouces, ou un abricot, abricot des tropiques, ce fruit singulier que les anciens habitants de Haïti tenaient pour sacré, parce qu'il était la nourriture des fantômes. Une prune colossale, aussi grande que le plus grand des navets, à la chair vermeille et musquée, au noyau gros comme un œuf de canard. Ou bien une branche odorante de oranges mandarines, chargée de mandarines, ou un fouille défendu, le même suivant la tradition créole que le serpent fit manger à Ève, sorte d'immense orange, plus grosse qu'une citrouille, mais dont la chair rose est savoureuse. Un jour, le jour de la fête de Mayotte, Gabriel apporta un très joli cadeau. Un panier qu'il avait tressé lui-même avec des lattes de bambou et des tiges de liane remplies d'échantillons de presque tous les produits de sa plantation. Il y avait un joli petit pain de sucre, un paquet de bâtons caco, ou bâton de chocolat, un petit couï ou demi-calabasse remplie de sucre brun, un bidon de sirop raffiné, un pain mie ou gâteau de maïs bouilli, sucré et enveloppé dans une feuille de balisier, attaché par un tiliane rasier, quelques tablettes de cacao gratinées, confites dans du sucre liquide. Et un joli paquet de canne à sucre de Chambéry, attaché par une feuille de canne. Un autre jour, tandis que Yuma conduisait l'enfant à la rivière pour prendre son bain matinal, elle y trouva, fixé sur les bords du petit étang, un large banc rustique, construit avec des longues tiges dures du pommier rose, et dont le siège et le dossier étaient de bambou fendu. C'était l'œuvre de Gabriel. Il y avait travaillé toute la nuit et l'avait porté à la rivière, avant l'aurore, pour faire une surprise à Yuma. Toutes silencieuses que fussent les visites de Gabriel, elles commençaient à exercer sur Yuma une certaine influence. Elle y trouvait un plaisir inaccoutumé. Elle se surprit à les attendre avec une ardeur inconsciente. Elle se sentait même vaguement malheureuse lorsqu'il ne venait pas. Et pourtant, lorsqu'elle ne l'avait pas vu depuis plus longtemps que de coutume, elle ne demandait jamais ce qui avait retardé sa visite. Elle ne se serait jamais avouée, même à elle-même, qu'elle redoutait l'indifférence de Gabriel. Celui-ci, d'autre part, ne donnait jamais d'explication. Ces deux natures étranges se comprenaient sans parler, d'une façon muette, primitive et à demi-barbare. Une après-midi, il apporta un beau sapoté, ce fruit à la peau douce, rosée et sombre, qui rappelle à l'imagination créole la beauté des métisses. Sa graine noire et plate contient entre les deux moitiés du noyau une pellicule crémeuse, fragile, en forme de cœur. Pour l'ôter sans la briser, il faut beaucoup d'adresse. Les amoureux se défient à ce jeu, symbole d'amour. « Mayotte, » dit Yuma quand elles eurent mangé le fruit ensemble, « je veux voir si tu m'aimes. » Elle fit craquer entre ses dents la coquille dure d'une graine. Elle essaya ensuite d'enlever la pellicule. Elle la cassa. « Oda !» s'écria l'enfant. « Ce n'est pas vrai. Tu sais bien que je t'aime. »« Pièce, pièce !» dit Yuma pour la taquiner. « Tu ne m'aimes pas du tout. » Alors Gabriel demanda une graine et elle la lui tendit. Et tout rudes et durs que fussent ses doigts, il enleva délicatement le petit cœur et le tendit intact à Mayotte. « Oui, » dit-il malicieusement, « da ou ein mein moins passé où ? Votre dame m'aime mieux que vous ?»« Ce n'est pas vrai, non, cocotte, » affirma Yuma pour rassurer l'enfant. Mais elle n'était pas bien convaincue de ce qu'elle disait. Lorsque la saison de la moisson des cannes à sucre fut passée, Gabriel demanda et obtint la permission d'aller, un matin de fête, à la Trinité. Il revint le même soir, plus tard que l'heure où il rejoignait habituellement la jeune capresse sous la véranda. Yuma était encore là. En le voyant approcher, elle se leva, tenant l'enfant endormi dans ses bras, et porta un doigt à ses lèvres. « Kimbe !» murmura Gabriel en glissant dans la main de Yuma quelque chose de plat et de carré, enveloppé de papier de soie. Puis, sans prononcer un mot de plus, il regagna son quartier. Lorsqu'elle eut mis Mayotte au lit, Yuma regarda le paquet. C'était une petite boîte en carton. Dedans, sur une couche de ouate rose, brillaient deux grands et légers anneaux d'or simple, deux boucles d'oreilles barbares que seuls les orfèvres coloniaux travaillent, mais qui s'harmonisent bien au costume et à la peau bronzée de la race de couleur. Yuma possédait déjà de bien plus beaux bijoux, mais Gabriel avait fait 30 kilomètres à pied pour lui acheter ceci. Il sourit lorsqu'il passa devant sa fenêtre le lendemain matin et vit les anneaux qui brillaient aux oreilles de la jeune capresse. Le fait qu'elle eût accepté ce cadeau signifiait son assentiment à une question qu'il n'avait pas encore posée. À cette question que les hommes civilisés redoutent le plus de poser, mais que l'esclave créole avait su formuler sans parole.